On va se projeter dans le temps désormais avec vous. Bonjour François Morel, c'est à vous. Bonjour. Le 1er janvier 2022, souvenez-vous, on avait peine à se souhaiter la bonne année. L'année 2021 avait été si idéale qu'on se doutait bien que l'année à venir ne pourrait être aussi parfaite. Chaque jour de l'année 2021 avait été une pluie de roses au point qu'on se demandait quand s'arrêterait une pareille félicité, le bonheur sans nuages risquant à la fin de devenir lassant. Cet enchantement continu avait quasiment commencé sur France Inter par une chronique à 9h05 en forme d'uchronie qui avait d'abord laissé des auditeurs perplexes, supposant qu'elle ne pouvait sortir que de l'esprit fantaisiste d'un innocent ravi de la crèche. Mais très vite et à la surprise générale, on s'aperçut qu'effectivement les bonnes nouvelles chaque jour de l'année 2021 s'enchaînaient les unes après les autres avec une régularité telle que les habituels porteurs de mauvaises nouvelles, sollicités par toutes les chaînes d'information, furent obligés de mettre la clé sous la porte. Le vaccin contre le coronavirus fut un succès total, l'épidémie régressa au point de disparaître totalement et de n'être plus qu'un mauvais souvenir. Les femmes enfin purent se remettre du rouge à lèvres, les hommes à bec de lièvre durent à nouveau se faire pousser les moustaches, les masques tombèrent et les sourires réapparurent. Le monde artistique connut l'habituel regain d'activité et d'inspiration qui suit les guerres. Les films Le Confiné, Le Retour du Confiné, Le Confiné de Saint-Tropez, Le Confiné des Extraterrestres, Le Dîner de Confiné furent les grands succès qui dopèrent l'activité cinématographique, tandis que sur les boulevards, la pièce Ma femme arrachée du PQ amorça à Paris un triomphe international, le rôle de Chantal Latsou, repris sur Netflix par Nicole Kidman. Au théâtre de l'Odéon, à la Colline, on présenta pour un public averti des spectacles plus exigeants, sombrement intitulé « La pandémie après le couvre-feu ». Les États-Unis, après le débarquage de Donald Trump, se transformèrent en modèle démocratique. Les dictateurs un peu partout dans le monde tombèrent les uns après les autres, remplacés par des républicains de bonne volonté. Partout dans le monde, on respira mieux. D'ailleurs, le réchauffement climatique par enchantement recula. La mise en service des TGV à pédale fut reportée à cause du manque de performance en termes de vitesse, mais les recherches étaient prometteuses. Les hommes d'affaires savaient que bientôt leur déplacement pourrait coïncider avec l'entretien de leur corps. La SNCF avait déjà trouvé un slogan « Avec le TGV, je garde la ligne de chemin de fer ». Les avions transatlantiques pliables n'étaient pas non plus encore tout à fait au point, mais les perspectives étaient encourageantes. C'est pourquoi ce 1er janvier 2022, chacun, dans le secret de son cœur inquiet, se demandait « Et maintenant, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Eh bien, on va se repencher vers retour, vers le futur. Et pour l'instant, tout va bien grâce à vous. Merci beaucoup, François Morel. Merci, bonne année. Bonne année à vous, François. France Inter.